يا رب ما قوم نوتي اون دينيتي دو كوران فتاة الخير فتاة الخير يا Tu préfères écouter la musique que d'écouter le Coran ? Il n'est pas donné à un croyant ou à un croyant, il passe à Allah. Et son message est en décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur décision. Quand le Coran a été descendu, c'est pas pour l'accrocher sur les murs. Et c'est pas pour l'accrocher sur les voitures. Et c'est pas pour l'accrocher sur les coups des femmes ou des hommes. الحمد لله الحمد لله على توفيقه وامتنانه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه شخ mon prêche aujourd'hui est au sujet du Coran. Quel est ton comportement et comment tu te comportes vis-à-vis du Coran? Est-ce que tu es parmi ceux qui le lisent de jour comme de nuit? Est-ce que tu es parmi ceux qui le lisent du vendredi au vendredi? Est-ce que tu es parmi ceux qui le lisent du ramadan au ramadan? Pour t'expliquer et te montrer l'importance de ce livre saint, du Coran, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que Muslim a rapporté, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. Et celui, le meilleur d'entre vous est celui qui enseigne le Coran et qui a appris le Coran et qui l'enseigne aux autres. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, on dit le jour de la résurrection à celui qui lisait le Coran, lis le Coran. Lis le Coran et augmente. Et psalmodie le Coran comme tu le psalmodiais dans la vie ici-bas. Car ton degré est au dernier verset que tu atteindras. Et ici, Sahaba, parmi eux, ils ont dit que les degrés au paradis sont au nombre de versets qu'il y a dans le Coran. Les degrés au paradis sont au nombre de versets qu'il y a dans le Coran. Donc le livre d'Allah Azza wa Jal, quel est ton comportement envers le livre d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu le lis? Rappelle-toi la dernière fois que tu as lu le Coran. Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Quand est-ce que tu l'as lu? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam le lisait. Le lisait. Et il ordonnait sa sahaba de le lire et de l'écouter. Jusqu'à qu'il a dit une fois à Ibn Mas'ud, lis-moi le Coran. Ibn Mas'ud lui a dit, comment je vais lire le Coran sur toi, ya Rasulallah, alors que c'est à toi qu'il a été révélé. Il lui a fait, lis le Coran car j'aime l'entendre d'une personne autre que moi. J'aime l'entendre d'une personne autre que moi. Ibn Mas'ud, il a lu Surat An-Nisa jusqu'à qu'il arrivait à la parole d'Allah Azza wa Jal. Et comment, si on prenait de chaque communauté un témoin et on te prend toi comme témoin pour ta communauté. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit arrête-toi. Ibn Mas'ud il dit, je me suis retourné vers le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu son visage, il tombait des larmes. Il tombait des larmes. Donc subhanallah, quand tu écoutes le Coran, est-ce que tu le médites? Est-ce que tu le médites? Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Muhammad, ne médite-t-il pas le Coran ou est-ce qu'il y a un cadenas sur leur cœur? Est-ce qu'il y a un cadenas sur ton cœur? Si en écoutant le Coran, tu n'arrives pas, tu n'as pas de sentiment. La tuharrik sakina, dis-toi que ton cœur est mort. Tu préfères écouter la musique que d'écouter le Coran? Subhanallah, quelle est ta situation? Allah Azza wa Jal dit dans un verset, Surat al-Furqan, il dit, subhanahu wa ta'ala, et le prophète a dit, ya Rab, ma communauté a délaissé ce Coran. Ils l'ont délaissé. Donc, est-ce que tu es parmi les gens qui rentrent dans ce verset? Est-ce que tu le délaisses? Est-ce que tu le délaisses? Ibn Mas'ud, il te dit, cherche ton cœur à trois endroits. Cherche ton cœur à trois endroits. Cherche ton cœur quand tu lis le Coran. Cherche ton cœur quand tu es dans une assise de science. Et cherche ton cœur quand tu es isolé seul chez toi. Si tu n'arrives pas à trouver ton cœur dans ces endroits, demande à Allah qu'il t'offre un cœur, car tu n'as pas de cœur. Car tu n'as pas de cœur. Et l'objectif du Coran, ce n'est pas de le lire. Et l'objectif que Allah Azza wa Jal a donné quand le Coran a été descendu, c'est pas pour l'accrocher sur les murs. Et c'est pas pour l'accrocher sur les voitures. Et c'est pas pour l'accrocher sur les coups des femmes ou des hommes. Non, le Coran a été descendu pour le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique. Regardez aux États-Unis, comme j'ai rapporté en arabe, regardez aux États-Unis. En 1920, regardez. C'est la réalité. Regardez les États-Unis, en 1920, ils ont prohibé l'alcool. Ils ont fait une loi pour interdire l'alcool. Jusqu'à ce que les gens se cachaient. Donc ils ont interdit le commerce, l'export, l'import, la vente, la consommation. Ils ont essayé, ils ont interdit. Ils n'ont pas réussi à l'interdire. Pendant 10 ans, jusqu'au 3 avril 1933, quand il est arrivé, Franklin Roosevelt, c'est là où il a rendu licite. Ils n'ont pas réussi. Et subhanallah, regardez Allah Azza wa Jal, quand le verset est descendu, et que l'interdiction de l'alcool, Allah Azza wa Jal a dit comme quoi l'alcool a été interdit, jusqu'à que Allah Azza wa Jal a dit, est-ce que vous allez vous arrêter? Ibn Omar a dit, on s'arrête. De suite, ils ont appliqué les versets d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à que Anas a dit, j'étais en train de verser de l'alcool dans la maison de Abi Talha. Je versais de l'alcool. Et quand le verset il a été descendu, la personne avait le verre à la main. Quand le verset est descendu, on l'a abordé, même pas il a fini son verre, il a posé. De suite, ils appliquent les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ne cherche pas à comprendre. Et Allah Azza wa Jal dit, il n'est pas donné un croyant ou à une croyante une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur décision. T'as pas le choix. Allah te dit que les intérêts, c'est interdit. Allah te dit que l'alcool, c'est interdit. Allah te dit que la fornication avec les femmes, c'est interdit. Donc tu t'arrêtes aux interdits d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça que tu appliques le Coran. C'est comme ça que tu l'appliques. Pour terminer, je vous raconte que subhanallah, les montagnes sont touchées par la parole d'Allah. Les animaux qui ne comprennent pas ni le français ni l'arabe sont touchés par la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on dirait des hommes qui sont parmi les meilleures créatures sur terre? Tu lis le Coran sur lui, ça ne fait ni chaud ni froid. Ça lui fait ni chaud ni froid. Usayd ibn Khubayr, il était en train de lire Surat Baqara un soir. Et son fils Yahya était à côté de lui. Il lisait Surat Baqara dans une riwaya Surat al-Kahf. Et subhanallah, les chevaux commencent à bouger. Et donc ils s'arrêtent de réciter, les chevaux se cassent. Ensuite, il reprend le Coran, la récitation, les chevaux se mettent à bouger et à trembler. Il s'arrête. À la troisième fois, il a pris son fils, il a arrêté, il a pris son fils. Il avait peur que ses chevaux l'écrasent. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et en partant, il a vu un nuage avec des lumières qui étaient descendues. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Ya Usaïd, continue à lire. Dans une riwaya, As-sakina nazalat alayk. Friwaya al-malaika nazalat alayk. Il a dit, si tu continues, si tu aurais continué à lire, les gens au lever du soleil auraient vu des anges en face. Donc imagine, Hayawan, un animal est touché par le Coran. Alors que l'être humain, tu lis le Coran sur lui, rien. Ça a quoi d'avoir des Corans à la maison qui sont remplis de poussière? tu le prends pas et tu ne le dis pas. Et comme on a demandé à la sœur de Malik, quand on lui a demandé, ton frère Malik, qu'est-ce qu'il faisait chez toi? Qu'est-ce qu'il faisait chez lui? Elle a dit, Kana shughluhu al-mushaf wa tilawah. Ce qu'il faisait, c'est, il prenait son Coran et il lisait. Il prenait le Coran, il le lisait. Et moi je dis franchement, chacun d'entre nous devrait avoir un Coran avec lui, un petit Coran. Quand t'as rien à faire, subhanallah, écra, lis, premier verset qui descend, dit, t'es dans un bus, t'es dans une salle d'attente, prends ton Coran et lis. Est-ce que quelqu'un va t'empêcher de lire? Le temps qu'on compte, que tu perds dans ta journée, sont incomptables. نسأل الله أن يوفقنا لقراءة كتاب ربنا اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم بارك لنا في أعمالنا وصداقاتنا اللهم